إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد On commence aujourd'hui un nouveau cours et étant donné que, comme vous le savez tous, nous sommes en train de vivre actuellement et de traverser actuellement une grande épreuve. Une grande épreuve sur le plan mondial. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est passé ou qui est arrivé souvent. Dans le dernier siècle, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, un peu plus lointain, disons, peut-être au début du dernier siècle. Mais en ce qui concerne notre génération, peu d'entre nous avons connu ce genre de situation. Donc c'est pour cette raison-là que ça peut nous sembler nouveau, d'une certaine façon. Et je parle en bien entendu du virus qui se propage de façon assez agressive en ce moment dans le monde entier. Et donc, ce qui nous a forcé à devoir nous isoler d'une certaine façon, de nous isoler pour éviter la propagation de ce virus. Et ce qui fait que on a dû également fermer les mosquées et cesser les prières en groupe et les prières du vendredi également. Donc, étant donné que beaucoup d'entre nous actuellement dans différents pays, nous sommes dans cette situation d'isolation, pourquoi ne pas en profiter pour justement se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre notre religion de façon un peu plus profonde, un peu plus clair, inshallah, pour essayer de faire en sorte que notre adoration soit meilleure envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et des moments comme celui-ci sont des moments parfaits justement pour se repentir et se réformer et essayer de s'améliorer. Et donc, inshallah, j'ai choisi donc de faire ce petit programme jusqu'à ce que, inshallah, les choses reviennent à la normale et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve tous et qu'il nous garde tous en santé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de cette fitna et après. Donc, pour commencer donc avec le sujet du livre d'aujourd'hui, c'est un livre qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule « Usulul Iman ». Et c'est un livre dans lequel le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne plusieurs hadiths sur la foi. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces hadiths-là. C'est un livre très bénéfique, très intéressant, et on va en profiter beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses importantes pour les musulmans à apprendre au sujet de la foi dans ce livre-là. Avant de rentrer dans l'introduction du livre, j'aimerais juste vous faire un petit résumé des différents chapitres qu'il y a dans ce livre. Et le fait d'avoir ces chapitres-là, ça va, inshallah, vous donner une idée globale un peu plus claire de qu'est-ce que contient ce livre. Donc, premier de ces sujets dans le livre, après avoir expliqué les degrés de la foi et les branches de la foi, il y a la connaissance d'Allah, ma'rifatullah, wal-imanu bihi. C'est-à-dire le fait de connaître Allah et d'avoir la foi en lui. Donc ça, c'est le premier chapitre. Le chapitre ensuite, c'est Bab qawlullahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Donc c'est l'explication d'un verset dans sourate Saba. Hein? Lorsque on a enlevé l'effroi de leur cœur ou la crainte de leur cœur, on va parler donc de certaines caractéristiques par rapport à la foi ici. Dans ce chapitre ensuite, Bab iftira'ul kahana wa kadhibihim. Donc, les inventions et les mensonges des diseurs de bonne aventure, ainsi que leurs mensonges. Les inventions et les mensonges des gens qui prétendent connaître l'avenir. L'autre chapitre, c'est Bab qawlullahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. C'est l'explication d'un verset dans Sourate Al-Zumar, hein, lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les kuffars n'ont pas estimé Allah comme il se doit, comme il se mérite de l'être. Le chapitre suivant, Babul Iman bil Qadar, donc il parle ici ensuite de la foi en la prédestination. Ensuite, Bab Dhikr al-Malaika, alayhimus salam wal imanu bihim. Ensuite, il parle de la foi en. Les anges. Hein? Ensuite, il dit Bab al-wasiyatu bi kitabillahi azza wa jal. Donc, le conseil au sujet du Coran. Ensuite, Bab huquq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre au sujet des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Bab tahriduhu sallallahu alayhi wa sallam ala luzumi sunnah. C'est-à-dire le chapitre au sujet de l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'accrocher à la sunna. Et ensuite, Bab at-tahrid ala talab al-ilmi wa kayfiyatu talab. Donc l'incitation également à la quête du savoir et la façon dont cette quête doit se faire. Et un autre chapitre qui est Babu qabd al-ilm. Babu qabd al-ilm, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la façon dont la science sera retirée vers la fin des temps. Ça, c'est un autre chapitre. Et aussi, Bab at-tashdidu fi talab al-ilm lil-mira'i wal-jidal. C'est-à-dire l'avertissement sévère au sujet de la quête du savoir dans le but de faire des disputes et des débats. Et un autre sujet également, Bab at-tazawwuj. التجوز في القول وترك التكلف والتعنت. Donc, يعني le chapitre au sujet du dépassement dans la parole et de délaisser l'exagération et l'extrémisme dans la religion. Donc, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont abordés et dans ces différents chapitres, il y a des points qui sont abordés dans chacun de ces chapitres-là, plusieurs questions, plusieurs sujets différents. Et c'est ça qu'on va voir, inshallah, dans ce livre. Je voudrais juste vous rappeler en même temps que chacun de ces cours, inshallah, sera d'une heure. On va essayer de pas dépasser la durée d'une heure pour chaque cours. Et aujourd'hui, j'ai commencé un peu tard, je m'excuse parce que c'était le fait d'adapter un peu l'installation pour la maison, puisque habituellement je fais les cours à la mosquée. Donc, Inch'Allah, ça va être plutôt dans les jours qui suivent. Dans les jours suivants, Inch'Allah, on va faire les cours à l'heure habituelle. Donc, on va commencer, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Fa inna l'iman huwa ahadu maratib al-din. Lianna dina l'islam ala thalath maratib. Kama jaa thalika fi hadithi su'ali Jibril alayhi salam l'innabi sallallahu alayhi wa sallam. Haythu sa'alahu sallallahu alayhi wa sallam an l'islam. ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ولما انتهى وخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وكان قد أتاهم في صورة رجل طالب للعلم فدل هذا الحديث على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، وكل مرتبة أعلى من التي قبلها. والمقصود الآن هي المرتبة الثانية وهي الإيمان. فقول الشيخ رحمه الله: أصول الإيمان أي أدلته، لأن الأصل عند الأصوليين هو الدليل. ففي هذا الكتاب ذكر الشيخ فيه أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Al-Fawzan, il commence donc dans son introduction et il dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et bénédiction et salut sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui les ont pris pour alliés. Ensuite, certes, la foi fait partie des degrés de la religion, car la religion de l'islam est basée sur 3 degrés, comme cela a été mentionné dans le hadith de la question que Jibril a posée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a demandé à propos de l'islam. Ensuite, il lui a posé la question au sujet de l'Iman. Puis ensuite, il lui a posé la question à propos de l'Ihsan. Et lorsqu'il a terminé et qu'il est sorti, hein, il est parti, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ses compagnons: « Est-ce que vous savez qui était le questionneur ?» Et ils ont dit: « Allah et son messager savent mieux. » Il a dit: « C'était Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. » Et donc, il leur est venu dans l'apparence d'un être humain qui cherche la science. Et ça, c'est la preuve. Il y a donc la preuve dans ce hadith que la religion est composée de 3 degrés. Le premier degré qui est l'islam, qui est la soumission et les actes de la pratique religieuse. Le deuxième degré qui est al-iman, la foi. Et le troisième degré qui est al-ihsan. Hein? Al-ihsan, c'est-à-dire la bienveillance et le perfectionnement de la foi. Et chacun de ces degrés-là est plus élevé que celui qui le précède. Donc le degré de la foi est supérieur ou plus haut que le degré de l'Islam. Et le degré de l'Ihsan est plus haut que le degré de l'Iman. D'accord? Et il dit, le but de, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer ici, donc c'est de faire comprendre que le sujet de ce livre, c'est à propos du deuxième de ces degrés-là, qui est le degré de la foi, l'Iman. Et lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a intitulé ce livre, et l'a appelé Usul al-Iman, le terme Usul, tel qu'il est utilisé par les savants des fondements de la religion, la science qu'on appelle Usul al-Fiqh, hein? Et ceux qui sont spécialisés dans cette science en islam, on les appelle al-usuliyoun, c'est-à-dire les savants de usul, les spécialistes dans les fondements, c'est-à-dire les preuves. Hein? Quand ils utilisent le terme usul, pour eux, ça veut dire les preuves. Donc, par exemple, usul al-iman, ça veut dire les preuves de la foi. Hein? Dalil al-iman. Ou adilla. Le pluriel du mot dalil, c'est adilla. Donc, dalil al-iman, c'est-à-dire les preuves. La preuve de la foi. Et donc, ici, dans ce livre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné les preuves de la foi qui sont mentionnées dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il continue, il dit: « Al-Imanu fil-lughati huwa at-tasdiq التصديق يقال آمن له أي صدقه. وكذا في قوله تعالى فآمن له لوط أي صدقه، حيث صدق لوط إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذا في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، بمصدق لما قلناه لك، هذا مفهوم الإيمان لغة. أما الإيمان شرعا فقد عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسنة، فتعريفه بهذا التعريف إنما هو من باب الحقيقة الشرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. والحقيقة الشرعية هي التي جاء بها الشرع، وقد جاء الشرع في أن الإيمان يتكون من هذه الأشياء الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، ولا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. Donc ici le cheikh il explique que la foi c'est selon la définition linguistique at-tasdiq. En arabe c'est at-tasdiq. At-tasdiq ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu crois en quelque chose, c'est-à-dire tu reconnais que quelque chose est vrai, hein? Tu reconnais la véracité. تعترف بصدق بصدق شيء. التصديق تعترف بصدق شيء يعني بأنه شيء يعني صدق. C'est quelque chose qui est vrai. Donc tu crois. Quand tu dis je آمن له, ça veut dire il a cru en ce qu'il a dit. Il a reconnu que ce qu'il a dit est vrai. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 62, dans Surat Al-Ankabut, فآمن له لوط. Donc Lot a cru en lui. C'est-à-dire, il a cru en lui, il a reconnu que ce qu'il a enseigné, que ce qu'il a dit est vrai. C'est-à-dire ce que Ibrahim alayhi salam a enseigné. Et il dit de même que l'exemple de Yusuf alayhi salam dans le verset 17 dans Surat Yusuf. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا. Qu'est-ce que les frères de Yusuf disent à leur père? وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا. Tu ne vas pas nous croire, même si on est véridique. C'est-à-dire, bimu'minin, c'est-à-dire, bimusaddiq. C'est-à-dire, tu ne vas pas croire en la véracité de ce qu'on va dire. Tu ne vas pas reconnaître que ce qu'on dit est vrai, même si on est sincère, même si on dit la vérité. Et donc, ici, ça, c'est la définition selon la langue. Donc, le terme iman, selon la définition linguistique, eh bien, c'est le fait de reconnaître que quelque chose est vrai ou de dire que cette chose-là est vraie, at-tasdiq en arabe. Mais il ne faut pas croire que cette définition linguistique suffit pour expliquer ou faire comprendre la signification religieuse du terme iman selon la croyance islamique. Et ça, c'est l'erreur que plusieurs groupes et plusieurs sectes ont fait et à cause de laquelle ils ont dévié dans leur compréhension de la religion musulmane. Pourquoi? Parce que ils ont interprété ou expliqué le terme iman dans l'islam en se basant uniquement sur la définition linguistique du mot iman. Donc ils ont dit que at-tasdiq, c'est ça l'iman dans la religion. Or c'est faux. Et la raison de ça, c'est parce que, comme on va l'expliquer ici, le cheikh il dit que en ce qui concerne la définition religieuse du terme iman, selon Ahl Sunnati wal Jama'a, pourquoi il spécifie ici selon Ahl Sunnati wal Jama'a? Parce que d'autres sectes ont des définitions différentes de l'iman. D'autres groupes de bid'a ont interprété l'iman de façon différente, comme par exemple al-Jahmiya. Eux, ils disent que la foi, c'est seulement la connaissance. Donc, si tu connais Allah, tu es croyant. Et ça, on va le mentionner. Les Asha'ira aussi, ils ont dévié en ce sujet. Ils disent que l'iman, c'est at-tasdiq. C'est juste de croire dans ton cœur que quelque chose est vrai. Même si tu ne le dis pas avec la langue, même si tu ne fais pas les actions avec le cœur, tu es toujours croyant. Et ça, c'est clair que c'est faux. Donc ici, le cheikh, il explique que la définition de la foi dans la religion, selon Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est que c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et un acte fait avec le corps. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec le péché. C'est ça la définition de la foi en islam. Et d'où est-ce que les ulama de Ahl Sunna ont tiré cette définition? Hein? D'où est-ce qu'ils ont tiré cette définition de la foi? Ils l'ont tirée du Coran et de la Sunna. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition des gens de Ahl Sunna, hein, qu'ils ont de la foi, elle n'est pas tirée uniquement des définitions linguistiques. Parce que les réalités linguistiques, elles sont tirées des emplois ou des utilisations des termes dans la langue arabe. Et parfois, ces utilisations-là sont pré-islamiques. C'est-à-dire que les gens utilisaient le terme amana ou iman de cette manière avant l'islam. Et ça voulait dire cette chose-là dans la langue arabe avant la révélation du Coran. Mais lorsque le Coran a été révélé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié la sunna, eh bien ces mots-là ont pris maintenant une nouvelle signification à cause des détails que la charia et la révélation est venue ajouter à ce mot ou à ce terme. Donc par exemple, le cheikh explique que c'est donc par conséquent une réalité révélée, une réalité législative sur le plan islamique, c'est une réalité religieuse. Pourquoi? C'est-à-dire que ce terme iman, quand on le définit de cette manière, c'est une réalité religieuse. Pourquoi? Parce que il dit qu'on peut déterminer ou on peut diviser les réalités en trois catégories. Et je vais vous faire comprendre qu'est-ce qu'on veut dire ici par des réalités. C'est que des fois, on utilise des termes et selon l'utilisation, il peut avoir différentes significations. Et c'est pour ça que parfois les ulama ils disent un terme peut avoir une signification selon une réalité qui est linguistique ou une réalité qui est religieuse ou une réalité qui est basée sur l'utilisation ou l'emploi, c'est-à-dire sur la coutume. Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de vouloir dire par le langage qu'ils emploient. D'accord? Et ils déterminent ça comme de cette façon-là. Ils disent par exemple qu'un mot peut avoir une réalité linguistique sur le plan de la langue et un mot peut avoir une définition selon une réalité religieuse, c'est-à-dire quand elle est interprétée selon les termes de la révélation, et un mot peut également avoir une réalité dans son emploi, selon la coutume des gens. C'est-à-dire que parfois, un mot, selon l'emploi que les gens en font dans un pays en particulier, ou à une époque particulière, ils vont utiliser ce mot d'une manière qui est différente de sa réelle signification dans la langue classique, l'arabe classique, par exemple. D'accord? Donc, tu vas aller dans certains pays arabes aujourd'hui, tu vas dire un mot dans la langue arabe classique. Ça veut dire quelque chose, mais dans leur pays à eux, et à cette époque-là, ce mot-là signifie quelque chose totalement différent. Hein? C'est un emploi qui est local et qui est spécifique, on dit urfiya. Donc, c'est trois réalités. Lughawiya, ou shar'iya, ou urfiya. Et nous, ici, on est en train de parler de la définition de la religion, la définition de la foi selon la réalité qui est religieuse, hein? Al-haqiqatu al-shar'iyya. Donc le terme iman, le terme de la foi, avant l'islam, avant la révélation du Coran et de la Sunna, il avait une définition linguistique, hein? Et le mot était employé par les Arabes de cette époque-là dans un sens. Sauf que maintenant, une fois que le Coran et la Sunna a été révélés, le terme a, disons, il a adopté ou bien il a absorbé une autre signification, ou on y a ajouté une autre signification qui est la signification religieuse tirée de la révélation. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Donc cette réalité religieuse qui découle de la révélation, hein, la révélation est venue la profondeur ou la définir. par ces trois choses qui est premièrement une parole de la langue. Donc la foi en islam, l'iman, c'est une parole de la langue. Quand tu dis la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, hein, quelqu'un qui ne dit pas cette phrase-là, il n'est pas croyant. Peu importe. Hein, à moins que ce soit quelqu'un, par exemple, qui soit muet, hein, quelqu'un qui soit muet, qui n'a pas la capacité de parler, alors dans ce cas-là, il va déclarer son témoignage de la foi de la manière qui est compréhensible avec le langage des signes ou le langage qu'il est capable, hein, de par lequel il est capable de s'exprimer. Sinon, ça c'est an-nutqu bil-lisan. Après, i'tiqadun bil-qalb, l'expression, la croyance, la conviction du cœur, la conviction du cœur. Et la troisième qui est al-amal bil-jawarih, l'action qui est faite avec le corps. Et ensuite, le cheikh, il dit donc qu'il faut absolument que ces trois choses soient réunies ensemble pour qu'une personne soit considérée comme étant croyante. Hein? Et il dit « فَلَيْسَ الْإِيمَانُ هُوَ نُطْقٌ بِاللِّسَانِ فَقَطْ كَمَا تَقُولُ الْكَرَّمِيَّةِ وَلَيْسَ هُوَ اعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ فَقَطْ كَمَا تَقُولُ الْأَشَاعِرَةِ وَلَيْسَ هُوَ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ وَالْإِعْتِقَادِ وليس هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب كما تقول الحنفية وإنما هو بمجموع الثلاثة معا نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه وكما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وكلما عمل الإنسان طاعة زاد إيمانه حتى يعظم هذا الإيمان وكلما عمل معصية فإنه يضعف إيمانه وينقص حتى إنه لا يصل إلى مقدار حبة الخردل أو أقل كلما ازداد في عمل المعاصي فالناس ليسوا في الإيمان سواء فمنهم من إيمانه عظيم ومنهم من إيمانه قليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل هذا على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون أضعف. Donc ici le cheikh il explique que la foi, ce n'est pas seulement donc une parole de la langue, contrairement à ce que disent les, hein, ou bien plutôt, la foi, ce n'est pas seulement une parole de la langue, contrairement à ce que disent les Karamiyas. Le Karamiyas, c'est une secte parmi les sectes qui ont dévié au sujet de la foi, et eux, ils disent que la foi, c'est seulement la parole de la langue, hein, et que si quelqu'un dit qu'il dit par exemple qu'il a la foi ou qu'il dit la ilaha illallah, il est mu'min. Même les munafiqoun, pour eux, sont des croyants. Donc ça, c'est une compréhension qui est incorrecte, de limiter la foi à une parole de la langue seulement. Ensuite, il y a un autre exemple que le cheikh a mentionné. Il dit que la foi, ce n'est pas seulement une croyance du cœur, contrairement à ce que disent les asha'ira. Donc la secte des asha'ira, les asha'ira sont des murji'a dans la foi, parce qu'ils disent que la foi, c'est seulement une croyance du cœur. Même si quelqu'un ne parle pas, hein, ne dit pas la parole avec sa langue, et même s'il ne fait pas les bonnes œuvres avec son corps, il ne fait pas les obligations, il est toujours croyant. Hein? Peu importe qu'est-ce qu'il fait comme péché, et même s'il abandonne toutes les, toutes les actions du corps. Il est aussi croyant que le plus pieux des hommes. Hein, pour eux, il est aussi croyant que le plus pieux des hommes. Il n'y a pas de différence. Et il n'y a pas de foi qui augmente ou qui diminue. Pour eux, tout le monde a le même degré de foi. Donc ça, c'est la bid'a des Asha'ira et des Murji'a de façon générale. Il y a un autre groupe aussi qui ont dévié au sujet de cette compréhension de la foi, de la définition de la foi. C'est les Hanafiyya, les Maturidiyya. Eux, ils disent que la foi, c'est seulement une parole de la langue et une croyance du cœur. Donc eux, ils ont rajouté la parole de la langue. Ils ont rajouté la parole de la langue dans la définition de la foi. Mais les actions du corps, ils les ont pas ajoutées. Et il dit « Wa innama huwa bimajmu'i thalatha ». Donc il dit, donc c'est la foi, ce n'est pas juste donc d'avoir un ou deux de ces éléments parmi les trois points qu'on a mentionnés, mais c'est de les avoir les trois réunis, c'est-à-dire une parole de la langue, une croyance du cœur et une action faite avec le corps. Et la foi en elle-même, elle augmente. Plus tu fais des bonnes œuvres et plus tu obéis à Allah, plus ta foi augmente. Et plus tu fais des péchés, plus ta foi diminue. Et il dit, le cheikh ensuite, il dit que si quelqu'un fait des actes d'obéissance, donc sa foi augmente, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, le verset 2 dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'on leur rappelle d'Allah, ou lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. Et il mentionne également le verset 124 dans Surat At-Tawbah, dans lequel il dit ce qui signifie, et lorsque on leur révèle une sourate, il y en a parmi eux qui disent, lequel d'entre vous cela a-t-il fait augmenter sa foi? En ce qui concerne ceux qui ont cru, alors cela augmente leur foi et ils s'en réjouissent. Donc, chaque fois qu'une personne fait un acte d'obéissance, un croyant fait un acte d'obéissance, cela fait augmenter sa foi jusqu'à ce que sa foi augmente et grossisse et devienne très grande, même parfois, comme certains ulama l'ont mentionné, ça peut même augmenter comme jusqu'à ce que ça devienne une montagne aussi grande que une foi aussi grande que des montagnes. Tandis que plus qu'une personne commet des péchés, eh bien sa foi va s'affaiblir, elle va diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne plus petite qu'une graine de moutarde. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui devient de plus petit, il y en est très très très petit. Et comme il s'est mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'intercession au jour de la résurrection, il a dit que au jour de la résurrection, on va faire sortir de l'enfer des gens qui avaient une foi plus petite que moins grande que la plus petite des particules d'un atome. Il dit, par exemple en arabe, il dit « Adna, adna, adna, mithqal habbatin ». Ça veut dire que Allah va faire sortir de l'enfer des gens qui avaient une foi qui était plus petite que un atome ou une graine de moutarde dans certaines narrations. Donc ça veut dire que la foi, elle peut devenir immense et extrêmement grande et elle peut devenir également extrêmement petite. Ensuite, le cheikh, il dit, donc les gens ne sont pas égaux dans la foi. Parmi les gens, il y en a qui ont une foi qui est extrêmement grande et extrêmement forte. Et parmi les gens, il y en a aussi qui ont une foi qui est très faible et petite. Et comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le mentionne dans le hadith authentique qui est rapporté par Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit, quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change de sa main. Et s'il n'est pas capable de le changer de sa main, qu'il le change de sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer de sa langue, alors qu'il le change de son cœur. Et cela, c'est le niveau le plus faible de la foi. Donc ça, c'est le plus faible de la foi. Ça, c'est la preuve que la foi, elle peut être faible et elle peut devenir plus faible encore. Hein? Elle peut faiblir et devenir plus faible encore. Non. Le cheikh, il dit ensuite, « وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني أقل الناس إيماناً فإنه يخرج من الإيمان ولا يبقى يخرج من النار ولا يبقى في النار إلا من ليس في قلبه إيمان أصلا من الكفار والمنافقين والملاحدة وأما من كان في قلبه إيمان ولو عذب في النار ومكث فيها مدة فإن الله يخرجه منها بإيمانه ولو كان ضعيفا. Donc ici le cheikh il dit de même que dans un autre hadith, et on a mentionné tout à l'heure de ce hadith, le hadith de l'intercession pour les gens qui ont commis des péchés parmi les gens du tawhid et qui sont dans l'enfer, hein, yani Allah subhanahu wa ta'ala va dire au jour de la résurrection, faites sortir de l'enfer quiconque avait dans son cœur, yani une graine de moutarde, hein, la quantité d'une ou le poids d'une graine de moutarde de foi. C'est-à-dire, la personne qui avait le plus faible niveau de foi, faites-le sortir de l'enfer. C'est-à-dire qu'à la fin, dans l'enfer, il ne va rester aucun des croyants. Seulement, hein, même s'il n'avait qu'une graine de moutarde de foi, ou un atome de foi, il va sortir de l'enfer, éventuellement. Et dans l'enfer, qui est-ce qui va rester éternellement? Seulement les koufars, ceux qui n'ont pas de foi du tout. C'est-à-dire les koufars, les mécréants, les munafiqines, les hypocrites, et al-malahida, hein, ceux qui ont renié la foi et qui ont penché vers la mécréance et le shirk, ceux qui ont fait du shirk majeur et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour clarifier que donc celui qui avait un peu de foi dans son cœur, même si c'était juste une atome et qui a été châtié et puni dans l'enfer pour ses péchés, il va y rester un temps, puis Allah va le faire sortir de l'enfer et le faire rentrer au paradis. Donc ça veut dire qu'il va faire sortir de l'enfer ceux dont la foi était faible. Donc ça représente quoi? Ça représente en réalité une réfutation des deux sectes extrémistes à ce sujet-là. Ça réfute les Khawarij qui disent que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam, il est mécréant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire sortir de l'enfer ceux qui ont commis des grands péchés. Et ça c'est la preuve qu'ils ne sont pas koufars. Même s'ils avaient juste une atome de foi. Donc c'est la preuve que la foi peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne comme un atome ou une graine de moutarde et la personne est toujours musulmane. Donc les Khawarij, eux, ils ne croient pas en ça. Les Khawarij, eux, ils croient, soit tu es croyant, soit tu ne l'es pas. Et si tu commets un grand péché, tu la perds au complet. Parce que pour eux, si tu perds une partie de la foi, tu la perds au complet. Pour eux, la foi, elle ne peut pas diminuer. Si elle diminue, elle part au complet. Et les Murji'a, eux, ils ont cette idée-là, mais à l'autre extrême. Ils disent, si tu as la foi, ça veut dire que tu ne peux pas la perdre du tout. Tu ne peux pas en perdre aucune partie. Donc, Même, peu importe qu'est-ce que tu fais, une fois que tu as la foi, tu peux plus la perdre. Donc, même si tu commets les pires péchés, même si tu fais rien de ce qui est obligatoire, tu es toujours aussi croyant que les plus grands croyants, que les prophètes et les messagers et les hommes pieux. Donc ça, c'est pour dire que, en réalité, ce hadith, il réfute les gens de l'égarement qui disent que la foi ne peut pas diminuer. Et ça réfute également les khawarij, hein, qui disent que la foi, yani, elle ne peut pas diminuer non plus. Ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, « وَالشَّاهِدُ مِنْ كُلِّ هَذَا هُوَ بَيَانْ أَنَّ الْإِيمَانِ قَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا » Donc, le point qu'on a voulu établir ici dans cette partie-là, dans ce qu'on vient d'expliquer, c'est que la foi, elle peut devenir faible. Et il dit, il mentionne, le cheikh, il dit, « وَقَالَ تَعَلَى هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هُنَاكَ إِيمَانًا ضَعِيفًا يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى الْكُفْرِ وهذا معنى قولهم وينقص بالمعصية وهذا تعريف دقيق مأخوذ من النصوص. Donc le cheikh il explique ici, il dit que donc la foi, la preuve de qu'est-ce qu'on veut tirer de ces versets et de ces hadiths, c'est que la foi elle peut diminuer, elle peut devenir faible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 167 dans sourate Al-Imran, ils sont aujourd'hui plus proches de la mécréance que de la foi. Donc, le cheikh, il dit que ce verset-là, c'est la preuve que la foi peut diminuer et devenir faible jusqu'à ce qu'elle soit plus proche de la mécréance. Et ça, c'est la signification de la parole des ulama lorsqu'ils disent que la foi, elle peut diminuer avec les péchés qu'on fait. Ça veut dire qu'elle peut diminuer. Et c'est une définition qui est donc très précise. Et cette définition de la foi, elle est tirée des textes du Coran et de la Sunna. C'est pas une définition que les ulama ont inventée de leur raison ou de leur propre tête. Non, cette définition-là, elle vient exactement telle qu'elle, comme elle est mentionnée dans les textes de la révélation. Et c'est de là que les ulama ont pris cette définition-là et cette explication-là. Ensuite, le cheikh il dit wal-iman. Wal-iman lahu arkan bayyanaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bi qawlihi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi. Donc ici, le cheikh explique que la foi, elle a des piliers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça dans le hadith de Jibril, hein, qui est rapporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Omar. Il a dit hein, que la foi, elle a des piliers. Et ces piliers-là, il les a expliqués. Il a dit que ça consiste à, hein, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi à la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Donc tu dois croire en ces six éléments-là. Ça, c'est les éléments qui sont les piliers de la foi. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَالْإِيمَانُ كَذَلِكَ لَهُ شُعَبٌ تَزِيدُ عَلَى سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ شُعْبَةً كَمَا قَالَ hein, sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya shu'batun min al-iman. Donc il dit fa shu'bu al-iman wa khisaluhu. OK. فشعب الإيمان وخصاله كثيرة وهذا الكتاب يبين فيه الشيخ رحمه الله ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان وشعبه. Donc ici le cheikh il explique que la foi hein, de même que elle a six piliers et elle a également des branches. Donc la foi elle a six piliers et elle a également 60 ou 70 branches telles que c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée de 70 et quelques, hein, 60 et quelques ou 70 et quelques branches. 70 et quelques et 60 et quelques branches. La plus haute d'entre elles consiste à dire La ilaha illallah. Et la plus basse d'entre elles, c'est-à-dire la plus basse d'entre ces branches, consiste à retirer quelque chose lorsque cette chose est une nuisance, hein, sur le chemin. Et la foi est une branche de la, pardon, la pudeur ou la modestie, la pudeur ou la gêne est une branche de la foi. Donc, les branches de la foi sont nombreuses. Les branches de la foi sont nombreuses. Et le cheikh, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a donc clarifié dans ce livre ce qui a été rapporté de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des éléments de la foi ainsi que de ses branches. Il dit, « Wa awwalu hadhihi shu'ab, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, wa dhalika bi an ya'rif al-abd, ربه بأسمائه وصفاته الواردة الواردة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى فما سمى الله به نفسه وجب الإيمان به وبه يعرف جل وعلا فمثلا يعرف تعالى بأن يعرف تعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم العزيز الحكيم فهذه كلها أسماء لله جل وعلا وأما صفاته فكل اسم من أسمائه يتضمن صفة فالعليم يتضمن العلم والحكيم يتضمن الحكمة والرحيم يتضمن الرحمة والكريم يتضمن الكرم والعظيم يتضمن العظمة وهكذا فأسماء الله تعالى ليست أسماء مجردة وإنما هي أسماء حسنى وعظيمة ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فوصفها بأنها حسنى فكل اسم منها يتضمن صفة من صفاته جل وعلا حيث قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالإنسان يعرف الله جل وعلا ويدعوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique que parmi les premières branches, hein, les premières branches parmi les branches de la foi dans le livre que le cheikh a mentionné, c'est de connaître Allah سبحانه وتعالى, et c'est-à-dire que le serviteur doit connaître son Seigneur par ses noms, par ses attributs qui sont mentionnés dans son livre, et c'est-à-dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est fait connaître à ses serviteurs par ses noms et par ses attributs. Hein? Et il se connaît mieux que quiconque. Il n'y a personne qui connaît mieux Allah subhanahu wa ta'ala que Allah lui-même. Et donc, ce par quoi il s'est nommé, hein, et ce par quoi il s'est décrit dans ses attributs, il est obligatoire pour nous d'y croire. Et c'est ainsi qu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par exemple, il s'est fait connaître de nous en disant qu'il est Allah. Il est celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le vivant. Hein, Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui qui se suffit à lui-même. Et celui qui yani, toutes les créatures ont besoin de lui. Tandis que lui n'a besoin de personne. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Hein, donc, Ar-Rahman, celui qui est miséricorde en lui-même, qui est miséricordieux en lui-même. Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde à ses créatures. Al-Aziz, le tout-puissant. Al-Hakim, le sage. Le juge, juste. Et donc, tous ces noms-là sont des noms parmi les noms de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chacun de ces noms-là implique une attribut en soi. C'est-à-dire que la signification qui est contenue dans ce nom implique une attribut en soi. Donc, par exemple, Al-Alim. Al-Alim en arabe qui signifie l'omniscient, celui qui sait tout. Eh bien, ça implique la science. Ça, c'est l'attribut de la science. Al-Hakim, hein, le sage, le juge. Eh bien, ça implique la sagesse. Hein. Al-Rahim. Al-Rahim, ça implique la sagesse. Al-Rahma. Al-Rahim, ça implique la miséricorde. Al-Rahma. Al-Karim. Ça implique, hein, Al-Karam, ça implique la noblesse, ça implique la générosité. Al-Azim, Al-Azim, c'est le très grand. Donc, ça implique la grandeur. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc, le Cheikh, il explique, il dit donc que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas des noms comme on peut voir, par exemple, que certaines personnes, ils ont un nom. Mais ce nom-là n'indique rien ou n'ont aucune signification. Il y a des peuples, par exemple, qui donnent des noms à des gens par rapport à leur personnalité ou leur signification. Leur signification ont un sens, des noms qui ont un sens. Hein? Tandis que dans d'autres peuples, ils donnent des noms, c'est seulement des sons. Hein, c'est seulement un son parce que ils trouvent que le son est beau, alors ils appellent les gens par ce nom-là sans que cela ait une signification spécifique. Allah subhanahu wa ta'ala, ces noms ne sont pas juste des noms pour le son ou pour que ce soit beau. Hein, ce sont des noms qui ont des sens et qui impliquent des attributs, des significations. Et c'est pour ça qu'on dit que tous ces noms sont beaux. Hein? Donc, il dit par exemple ici que tous ces noms sont parfaits, tous ces noms sont grands et tous ces noms sont beaux. Et Allah, il le dit lui-même, « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » Donc, c'est Allah qui a les plus beaux noms. Et chacun de ces noms implique une attribut parmi les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le verset 180 dans Surat Al-A'raf, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceci. Invoquez-le par ceci. Donc la personne, l'être humain, elle doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer par ses noms et par ses attributs. Et le Cheikh, il termine donc cette introduction en disant « Wa hadhihi al-asma wa sifat tawqifiyya fala ahadun yusamma » فَلَا أَحَدٌ يُسَمِّ اللَّهِ إِلَّا بِمَا سَمَّ بِهِ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أَوْ سَمَّهُ بِهِ رَسُولُهُ فَلَا أَحَدٌ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَلَا أَحَدٌ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ تَسْمِيَتُهُ إِلَّا بِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه أعلم لأن الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره وأحسن حديثا من خلقه فنحن نعرف الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Donc ici le Cheikh, il dit que ses noms et ses attributs sont, qu'est-ce qu'on dit en arabe, on les appelle tawqifi, on dit qu'elles sont tawqifiya. Et tawqifiya, ça veut dire yani yajib at-tawaqquf fiha ila an-nusus ila ma fi al-kitab wa sunnah. Donc les noms et les attributs d'Allah sont basés sur les textes et il faut donc s'arrêter aux textes dans leur compréhension, et pour les connaître et pour parler d'Allah et pour connaître Allah, on doit se limiter aux textes. Il y a personne qui a le droit de parler ou d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala excepté par un nom qu'il s'est donné lui-même ou un nom par lequel son messager l'a appelé. Hein? On n'a pas le droit d'appeler Allah par les noms qu'on veut. Il y a des gens parfois, ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des noms qu'ils décident eux-mêmes ou qu'ils inventent eux-mêmes. Il y a des gens par exemple parmi les kuffars, comme par exemple les chrétiens, ils appellent Allah le Père. Hein? Le Père, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Hein? Donc, on n'a pas le droit d'appeler le Père. Par exemple, les francs-maçons, ils appellent Allah l'architecte, hein? L'architecte ou le grand architecte. On n'a pas le droit d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala l'architecte parce que ça ne fait pas partie de ses noms. Les noms d'Allah sont uniquement ceux par lesquels il s'est nommé lui-même dans le Coran et dans la Sunna. Et il y a plusieurs des noms d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Et les Juifs, dans l'Ancien Testament, ils mentionnent aussi certains des noms qui sont mentionnés justement parmi les noms que Allah a révélés dans le Coran et dans la Sunna. Il y en a certains de ces noms-là qui sont mentionnés également dans la Torah. Et ils les mentionnent dans leurs livres. Hein? Et en hébreu, quand on écoute ça, quand on lit ces noms-là, on voit que certains d'entre eux même qui ressemblent au nom d'Allah en arabe. Parce que les langues, la langue arabe et la langue hébraïque sont des langues sémitiques et elles ont des racines communes. Elles ont des racines communes. Donc, beaucoup de chrétiens, par exemple, justement, ils ont séparé les gens de la langue, hein, la langue sémitique, justement pour les éloigner de la compréhension de qui est Allah réellement, et pour leur faire accepter les notions de Trinité et autres. Hein. Et donc, ça c'est un autre sujet pour un autre moment. Mais pour compléter, qu'est-ce que le cheikh il expliquait ici? Il dit donc qu'il n'est pas permis d'appeler Allah par autre que le nom qu'il s'est donné à lui-même ou un nom que le messager lui a donné, parce que le messager, il ne fait que transmettre la révélation d'Allah. Et donc, il n'y a personne qui connaît mieux Allah que lui-même et il n'y a personne qui connaît quoi que ce soit mieux que Allah. Et il n'y a personne parmi les êtres humains qui connaît mieux Allah que le messager d'Allah. Donc, il n'est pas permis, donc, à cause de ça, à quiconque de décrire Allah ou de nommer Allah par autre chose que ce qui est mentionné dans le livre d'Allah ou dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, hein, puisque Allah est plus savant à propos de lui-même et à propos de toute autre chose. Et il est meilleur en parole que quiconque de ses créatures. Sa parole est la meilleure. Donc, il sait mieux que quiconque comment parler de lui-même. Et personne, donc, ne peut donner à Allah de leçons, hein, sur quoi que ce soit, et encore moins sur ce qui a rapport avec son être et comment se définir et comment se décrire. Contrairement aux gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyah, qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas décrit correctement dans le Coran et dans la Sunna et qu'il ne faut donc pas croire en Allah tel qu'il s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est clair que c'est batil. Hein? On connaît Allah selon ce qu'il s'est mentionné lui-même à propos de ses noms et ses attributs dans la révélation. Et ça, c'est la base de la croyance des gens de la sunna au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce livre-là. Et donc, au prochain cours, on commencera avec le premier chapitre, Inch'Allah, à propos de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته